Un lampadaire au milieu de la route voit passer le monde et ça le dégoûte. Une feuille passe dessous lui, lui dessinant une douce symphonie. Des reflets de musique vermeille glissent jusqu'à son oreille. Un lampadaire au-dessus de la route s'écrit « Voilà le début de ma route ». Support créatif. Je déballe quelques papier calque. Entrave tes rêves par la poésie.